me poursuiront d'incessantes. Elle me dit nage parmi ceux qui passent des journées assez chiantes. Le tour de cet écorchoir politique est sans fin et les médias le chantent. L'amour en échappatoire, la musique pour faire passer le mot dans les chambres. Restez couchés. Une place que tu défends, tu sais plus si c'est toi ou c'est elle qui commande. Dimanche tu te détends, ta femme gère la vaisselle, toi la télécommande. Tu es trop fatigué pour nourrir cette flamme entre vous qui m'incite. Demain t'iras bosser sans couvrir de ton âme ses joues, c'est ainsi. Restez couché. Te lève, c'est pénible, mais faut bien gagner sa mine. Ou alors. Bonjour docteur. Eh ben bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous emmène? Écoutez, je me sens pas très bien ce matin, j'ai des maux de ventre, tout ça. Faites-moi voir ça. Oui, j'ai bien peur que ce soit une gastro-entérite, hein. Une semaine d'arrêt, ça vous ira? Écoutez, éventuellement deux, c'est possible. Très bien, monsieur, je vous mets deux semaines d'arrêt. N'oubliez pas vos remèdes matin, midi et soir, mais surtout, restez couchés.